Le meneur de loup, écrit par Alexandre Dumas, lu par Armène pour audiocité.net. Introduction. Ce que c'était que Mocquet et comment cette histoire est parvenue à la connaissance de celui qui la raconte. Pourquoi, pendant les 20 premières années de ma vie littéraire, c'est-à-dire de 1827 à 1847, pourquoi ma vue et mon souvenir se sont-ils si rarement reportés vers la petite ville où je suis né, vers les bois qui l'environnent, vers les villages qui l'entourent? Pourquoi tout ce monde de ma jeunesse me semblait-il disparu et comme voilé par un nuage, tandis que l'avenir vers lequel je marchais m'apparaissait limpide et resplendissant comme ces îles magiques que Colomb et ses compagnons prirent pour des corbeilles de fleurs flottant sur la mer? Hélas, c'est que, pendant les 20 premières années de la vie, on a pour guide l'espérance, et pendant les 20 dernières, la réalité. Du jour où, voyageur fatigué, on laisse tomber son bâton, où l'on desserre sa ceinture et où l'on s'assied au bord du chemin, de ce jour-là, on jette les yeux sur la route parcourue, et, comme c'est l'avenir qui s'embrume, on commence à regarder dans les profondeurs du passé. Alors, près d'entrer que l'on est dans les mers de sable, on est tout étonné de voir peu à peu poindre sur la route déjà parcourue des oasis merveilleuses d'ombre et de verdure, devant lesquelles on a passé non seulement sans s'arrêter, mais presque sans les voir. On marchait si vite dans ce temps-là. On avait si grande hâte d'arriver où l'on n'arrive jamais, au bonheur. C'est alors que l'on s'aperçoit que l'on a été aveugle et ingrat. C'est alors qu'on se dit que si l'on trouvait encore sur son chemin un de ces bosquets de verdure, on s'y arrêterait pour le reste de la vie. On y planterait sa tente pour y terminer ses jours. Mais comme le corps ne retourne pas en arrière, c'est la mémoire seule qui fait ce pieux pèlerinage des premiers jours et qui remonte à la source de la vie, comme ces barques légères aux voiles blanches qui remontent le cours des rivières. Puis le corps continue son chemin. Mais le corps sans la mémoire, c'est la nuit sans l'étoile, c'est la lampe sans la flamme. Alors le corps et la mémoire suivent chacun une route opposée. Le corps marche au hasard vers l'inconnu. La mémoire, brillant feu follet, voltige au-dessus des traces laissées sur le chemin. Elle seule est sûre de ne point s'égarer. Puis chaque oasis visitée, chaque souvenir recueilli, elle revient d'un vol rapide vers le corps de plus en plus lassé. Et comme un bourdonnement d'abeilles, comme un chant d'oiseau, comme un murmure de source, elle lui raconte ce qu'elle a vu. Et à ce récit, l'œil du voyageur se ranime, sa bouche sourit, sa physionomie s'éclaire. C'est que, par un bienfait de la Providence permet que, ne pouvant pas retourner vers la jeunesse revienne à lui. Et dès lors, il aime à raconter tout haut ce que lui dit tout bas sa mémoire. Est-ce que la vie serait ronde comme la terre? Est-ce que, sans s'en apercevoir, on en ferait le tour? Est-ce qu'à mesure qu'on approche de la tombe, on se rapprocherait de son berceau? Je ne sais, mais je sais ce qui m'est arrivé à moi. À ma première halte sur le chemin de la vie, à mon premier regard en arrière, j'ai d'abord raconté l'histoire de Bernard et de son oncle Berthelin, puis celle d'Ange Pitou, de sa fiancée et de tante Angélique, puis celle de conscience, l'innocent, et de sa fiancée, Mariette, puis celle de Catherine Blum et du père Vatrin. Aujourd'hui, je vais vous raconter celle de Thibault le meneur de loups et du seigneur de Vèze. Maintenant, comment les événements que je vais faire passer sous vos yeux sont-ils venus à ma connaissance? Je vais vous le dire. Avez-vous lu mes mémoires et vous rappelez-vous un ami de mon père nommé Moquet? Si vous les avez lus, vous vous souvenez vaguement du personnage. Si vous ne les avez pas lus, vous ne vous en souvenez pas du tout. Dans l'un et l'autre cas, il est donc important que je remette Moquet sous vos yeux. Du plus loin qu'il me souvienne, c'est-à-dire de l'âge de 3 ans, nous habitions, mon père, ma mère et moi, un petit château nommé Les Fossés, situé sur les limites des départements de l'Aisne et de l'Oise, entre Aramont et Longpré. On appelait ce petit château Les Fossés, sans doute parce qu'il était entouré d'immenses fossés remplis d'eau. Je ne parle pas de ma sœur. Elle était en pension à Paris, et nous ne la voyons qu'un mois sur 11, c'est-à-dire aux vacances. Le personnel de la maison, à part mon père, ma mère et moi, se composait, premièrement, d'un gros chien noir nommé Truffe, qui avait le privilège d'être le bienvenu partout, attendu que j'en avais fait ma monture ordinaire. Deuxièmement, d'un jardinier nommé Pierre, qui faisait pour moi dans le jardin ample provision de grenouilles et de couleuvres, sorte d'animaux dont j'étais fort curieux. Troisièmement, d'un nègre, valet de chambre de mon père, nommé Hippolyte, espèce de jocrisse noire dont les naïvetés étaient passées en proverbe et que mon père gardait, je crois, pour compléter une série d'anecdotes qu'il eût pu opposer avec avantage aux jeanneteries de Brunet, voir mes mémoires. Quatrièmement, d'un garde nommé Moquet, pour lequel j'avais une grande admiration, attendu que, tous les soirs, il avait à raconter de magnifiques histoires de revenants et loups-garous, histoire qui s'interrompait aussitôt que paraissait le général. C'est ainsi que l'on appelait mon père. Cinquièmement, enfin, d'une fille de cuisine répondant au nom de Marie. Cette dernière se perd complètement pour moi dans les brouillards crépusculaires de ma vie. C'est un nom que j'ai entendu donner à une forme restée indécise dans mon esprit, mais qui, autant que je puis me le rappeler, n'avait rien de bien poétique. Au reste, nous n'avons aujourd'hui à nous occuper que de Moquet. Essayons de faire connaître Moquet au physique et au moral. Moquet était au physique un homme d'une 40aine d'années, court, trapu, solide des épaules, ferme des jarrets. Il avait la peau brunie par le hâle, de petits yeux perçants, des cheveux grisonnants, des favoris noirs passant en collier sous son cou. Il m'apparaît au fond de mes souvenirs avec un chapeau à 3 cornes, une veste verte à boutons argentés, une culotte de velours à côtes, de grandes guêtres de cuir, carnassière à l'épaule, fusil au bras, brûle-gueule à la bouche. Arrêtons-nous un instant à ce brûle-gueule. Ce brûle-gueule était devenu non pas un accessoire de Moquet, mais une partie intégrante de Moquet. Nul ne pouvait dire avoir jamais vu Moquet sans son brûle-gueule. Quand, par hasard, Moquet ne tenait pas son brûle-gueule à la bouche, il le tenait à la main. Ce brûle-gueule, destiné à accompagner Moquet au milieu des plus épais fourrés, devait présenter le moins de prise possible au corps solide qui pouvait amener son anéantissement. Or, l'anéantissement d'un brûle-gueule bien culotté était pour Mouquet une perte que les années seules pouvaient réparer. Aussi, la tige du brûle-gueule de Mouquet ne dépassait jamais 5 ou 6 lignes, et encore pouvait-on toujours, sur les 5 ou 6 lignes, parier pour 3 lignes au moins en tuyau de plume. Cette habitude de ne pas quitter sa pipe, laquelle avait creusé son étau entre la 4e incisive et la 1ère molaire de gauche, en faisant disparaître presque entièrement les 2 canines, avait amené chez Mouquet une autre habitude, qui était celle de parler les dents serrées, ce qui donnait un caractère particulier d'entêtement à tout ce qu'il disait. Or, ce caractère d'entêtement devenait encore plus remarquable lorsqu'il ôtait momentanément sa pipe de la bouche. Aucun obstacle n'empêchant plus ses mâchoires de se rejoindre et les dents de se serrer de manière à ne plus laisser passer les paroles que comme un sifflement à peine intelligible. Voilà ce qu'était Mouquet au physique. Les quelques lignes qui vont suivre indiqueront ce qu'il était au moral.